to bounce on my go on moi. I see what me say. Et on pas qu'à regretter. On sait ensemble plein volonté qui ça ça il est. Mi moi.